Un matin, je me disais, ce matin il pleut, je vais aller sur Steam me payer un jeu. J'ai vu ce machin là qui était en promo, je me suis dit, allez bon, un peu de rétro, ha ha. Je me suis fait troller, ha ha, par un jeu dégonflé, ha ha, mais c'était quand même rigolo. Hey, se balade dans l'arche de Noé, un peu comme dans Wolfenstein, mais y'a plus d'hémoglobine, à la place y'a que des animaux. Se balade dans l'arche de Noé, pour nourrir un tas de bestiaux qui ont sacrément les crocs et apprendre la Bible dans les niveaux. Pour nourrir les animaux, il te faudra un lance-pierre ou même deux, oh allez, puis trois. Dans ce jeu, il n'y a même pas de fusil, mais faut dire, ça change un peu des nazis. Ha ha, c'est la fin du monde. Ha ha, dans ce jeu immonde. Ha ha, mais qui était quand même rigolo. Balade dans l'arche de Noé, un peu comme dans Wolfenstein, mais y'a plus d'hémoglobine, à la place y'a que des animaux. Balade dans l'arche de Noé, pour nourrir un tas de bestiaux qui ont sacrément les crocs et apprendre la Bible dans les niveaux. Se balade dans l'arche de Noé, y'a une chèvre et une autruche, des moutons et des perruches, un ours et un éléphant, un lapin, une poule. Qu'est-ce que je m'emmerde maintenant? Ça commence à devenir chiant. J'aurais dû m'acheter autre chose. Overwatch, j'y ai un psychose. Ou même une licence Windows. Mononucléose. Je sais pas, y'a pas grand-chose.